Tu t'appelles Charlotte et tout le monde t'appelle Chacha, Chachou ou Lolotte. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat, Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une course contre la mort, celle d'un jeune prince de la vitesse appelé à devenir un jour le roi des circuits, François Sauvaire. Le 6 octobre 1973, lors de la séance d'essai sur la piste du circuit de Watkins Glen aux États-Unis, le pilote français tente d'arracher la pole position au volant de sa Formule 1. Tour après tour, tel un funambule, il repousse les limites de sa monoplace. Mais dans la course automobile, comme dans la course moto, la mort est parfois au tournant, et c'est bien ce qui arrive ce jour-là. À l'entrée d'un virage, Sauvaire perd le contrôle de sa voiture qui virevolte, tournoie à quelques mètres du sol, avant de retomber, de se briser et de prendre feu contre un rail métallique. Âgé de 29 ans, le pilote meurt sur le coup. Virtuose sur les circuits, personnage glamour, beau comme un camion, Sauvaire était une icône qui s'affichait en une des magazines au bras des plus belles femmes de l'époque. Modèle de toute une génération, il semblait immortel, intemporel. Mais telle une ombre omniprésente dans sa carrière, le risque alimentait déjà depuis des années les interviews qu'il donnait aux reporters. Notre invité aujourd'hui, le journaliste spécialiste de Formule 1, Jean-Louis Moncey. Pendant 40 ans, il a sillonné les circuits et les paddocks. Il est l'auteur d'ouvrages de référence sur le sport automobile. Son dernier livre est une autobiographie intitulée « La Formule 1, ma famille » aux éditions City. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Franck Cognard, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Samedi 6 octobre 1973, circuit de Watkins Glen, Grand Prix des États-Unis. L'horloge de la ligne droite des stands indique 10 heures du matin. Au micro, le speaker annonce le début de la séance d'essais qualificatifs pour cette 15e et dernière manche de la saison de Formule 1. Assis dans les tribunes et sur les pelouses autour du circuit, plus de 10 000 spectateurs ont fait le déplacement pour assister au premier tour de piste des monoplaces. Situé au nord de l'État de New York, dans une région de bois et de lacs, à proximité de la frontière canadienne, Watkins Glen est un circuit atypique. Dangereux pour les uns, extrême pour les autres, celui qu'on surnomme ici « The Glen » est une boucle où se mélangent de longues lignes droites, des virages serrés, mais aussi, et surtout, des courbes à fort dénivelé. Des passages techniques qui s'enchaînent à plus de 200 km/h, avec des trajectoires délicates à négocier pour les pilotes et les pneumatiques. Avant même le départ de la séance d'essai, les spectateurs ont les oreilles rivées sur de petits postes de radio portables. Car depuis les premières heures du jour, une actualité brûlante perturbe l'ambiance de ces week-ends de fête. À plus de 10 000 km de là, au Proche-Orient, l'armée égyptienne du général Nasser vient de franchir le canal de Suez. La guerre du Kippour a commencé. Malgré ce contexte international, aux abords de la piste de Watkins Glen, rien ne semble perturber le cérémonial de la Formule 1. François Sauvaire, c'est pour vous que vous voulez gagner, pour vos parents ou pour quelqu'un d'autre? C'est une ambition toute personnelle. C'est tout personnel. Et l'important, c'est de réussir. Je fais ce que j'aime. Comme j'ai un tempérament de gagneur, ça ne m'amuserait pas si je savais que je ne pourrais pas gagner. Le long de la ligne droite des stands, à mesure que les minutes passent, l'agitation gagne le paddock. Dans les garages des écuries Ferrari, Lotus, McLaren, on aperçoit des hommes en combinaison aller, venir, inspecter, puis régler, nettoyer ou changer certaines pièces. Eux, ce sont les mécaniciens, bien sûr, chevilles ouvrières de chaque équipe. À leur côté, papiers et chronos entre les mains, leurs collègues ingénieurs étudient les stratégies possibles pour la course, l'évolution de la météo, rien n'est laissé au hasard. Devant le stand de l'écurie de Tyrrell Ford, on aperçoit les deux monoplaces bleues avec leur logo blanc ELF. À gauche, la numéro 005, voiture du triple champion du monde écossais, Jackie Stewart. à droite, la 006, visuellement identique, celle du pilote français François Sever. Comme toutes les autres monoplaces de la grille, les Formule 1 de l'équipe Tyrrell Ford sont un concentré de technologie. Leur poids, par exemple, passe sous la barre réglementaire des 550 kg pour une puissance qui frôle, grâce au turbo, les 460 chevaux. En d'autres termes, des bolides aux accélérations phénoménales, le tout dépourvu de toute assistance ou d'aide à la conduite. Les Formule 1 des années 70 sont comme des diamants bruts. Des lignes tendues, saillantes et basses, qui contrastent avec une entrée d'air arrondie et proéminente sur le dessus. Des voitures de course hors normes, conçues pour atteindre des performances extrêmes, bien avant d'être pensées pour la sécurité de leurs pilotes, on y reviendra. Deux mois plus tôt, lors du Grand Prix des Pays-Bas, pourtant, le Britannique Roger Williamson est mort brûlé vif à bord de sa monoplace après une sortie de piste. Car le moindre accrochage, la moindre erreur en course peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, qu'il soit champion du monde ou non, qu'il s'appelle Regazzoni, Peterson, Lauda, Beltoise, X, Fittipaldi, Stewart ou encore François Sever, qui s'exprime ici, tous ont cette idée en tête. François Sever, vous dites « j'ai peur de faire un tête à queue, j'ai peur de crever », mais je me demande si vous ne dites pas tout cela parce que vous ne voulez pas vous dire véritablement « j'ai peur de mourir ». Ah non, j'ai vraiment pas peur, ça, je suis sûr de moi, j'ai vraiment pas peur. Ce serait un problème pour moi le jour où je serai marié, où j'aurai des enfants, j'aurai des responsabilités. Mais pour le moment, mes parents n'attendent pas après moi pour vivre, je pense à mon assurance vie. Si vous voulez, je suis... Vous êtes responsable de vous-même. Je suis responsable de moi-même. Si je me tue en course, ça fera beaucoup de peine à ma famille. Vous savez, quand vous quittez la piste à 250 ou à 300 km/h et que vous tapez un obstacle, la voiture prend feu. En général, vous n'êtes pas là pour le raconter après. Chez Tyrrell Ford, le chef d'orchestre, sans qui rien ne se décide, c'est le patron de l'écurie, Ken Tyrrell. Le Britannique de 50 ans a la réputation d'être un homme très organisé, méticuleux. Pour preuve, lorsque le pilote François Sever, en tenue de course, casque à la main, débarque dans le stand, Tyrrell lui tend immédiatement le plan des essais de la matinée. Temps d'échauffement, temps à réaliser, liste des modifications aérodynamiques possibles. À 29 ans, Sever termine sa quatrième saison de Formule 1. Quatre années passées au plus haut niveau du sport automobile. Le tout aux côtés d'un pilote d'exception devenu son mentor, Jackie Stewart. 40 courses de F1, une dizaine de podiums et surtout une victoire, la première pour un pilote français dans la catégorie reine du sport automobile, ici même justement à Watkins Glen 2 ans auparavant. Dans le paddock, tout le monde se connaît et tout le monde connaît le français. Talenteux, fougueux, courageux, mais surtout respectueux de ses pairs et de son sport, Sever s'est construit la réputation d'un pilote capable de surprendre n'importe qui, dans n'importe quel virage, comme en témoigne ce journaliste américain au micro de Michel Enfrol de France Inter, dans les minutes qui précédaient le départ de la séance d'un Grand Prix de Formule 1 dans les années 80. Il était en plein forme, quoi. Il était sûr de gagner, quoi. Il était là, ça c'est la course que j'attends. Il avait déjà gagné ici il y a 2 ans, et les Américains le donnaient comme l'un des favoris, le classaient dans les 3 premiers. Pour eux, c'était le nouveau champion du monde. À quelques mètres de Sever, Jackie Stewart, 34 ans, son coéquipier chez Tyrrell, peaufine les derniers réglages de sa monoplace et se prépare lui aussi à prendre le volant. Au journaliste qui l'interroge, Stewart ne tarit jamais d'éloges sur son coéquipier. Comme les Américains, l'Écossais décrit Sever comme le futur champion de la discipline, rien de moins. D'ailleurs, en coulisses, la relation entre les deux hommes a largement dépassé le cadre de la course. François est devenu un ami, voyez, un intime du clan Stewart. 15 jours plus tôt, le Français a partagé des vacances avec son coéquipier, la femme de celui-ci, Helen, sur un yacht dans les Caraïbes. De ces moments hors du temps, Jackie Stewart se souvient de François s'asseyant tous les soirs derrière un piano et se mettant à jouer du Beethoven. L'assistance médusée était séduite, charmée. Après presque 10 ans passés au sommet, 10 ans à enchaîner les victoires, Jackie Stewart, dont le talent, les résultats et la passion ne faiblissent pas, a décidé tout de même d'arrêter la Formule 1. Le danger pour lui est devenu trop grand. Au sein du paddock, la rumeur de sa retraite circule déjà. dans le documentaire « Weekend des champions ». Réalisé par Roman Polanski, Stewart s'est confié déjà en 1971, pour la première fois, sur son angoisse de trouver la mort lors d'un Grand Prix. Plus tard, dans une interview donnée au journal britannique The Guardian, il confirme ses propos. Vous savez, la Formule 1 est un sport fantastique. Probablement la plus excitante et la plus incroyable de toutes les disciplines. Les gens autour de moi voient la Formule 1 comme un sport spectacle. Moi, je vois la Formule 1 comme un sport qui tue. Tous les 15 jours avant chaque course, je sais que je peux perdre un ami sur le circuit. Trop de copains sont morts et j'en ai marre d'aller à des enterrements. Je crois que le plus grand talent d'un pilote n'est pas de savoir repousser ses limites, mais c'est de savoir s'arrêter au bon moment. Dans le stand Tyrrell, il est un peu plus de 10h du matin, en ce samedi 6 octobre 1973, lorsque François Sauvert se glisse sur le siège moulé de sa Formule 1. Son mécanicien titré, Joe Ramirez, enclenche la procédure de démarrage du moteur V8 situé en position centrale à l'arrière de la monoplace. Il est 10h30 lorsque cette monoplace bleue de François Sauvert sort de son box pour la séance des essais libres. Une fois sur la ligne droite des stands, le pilote enfonce l'accélérateur jusqu'à la butée. En une fraction de seconde, l'aiguille du compteur grimpe à 10 000 tours minute, un son strident cisaille des environs. Et Sauvert s'envole à grande vitesse vers le premier virage. François Sauvert, vous conduisez votre carrière avec prudence et avec application. On pense d'ordinaire que les jeunes pilotes, les jeunes loups comme on dit, prennent des risques insensés pour gagner, c'est-à-dire pour percer. C'est vrai en tout cas au début d'une carrière, au tout début. Il est certain que j'ai pris des risques en Formule 3 parce que vous êtes dans un peloton avec 15 jeunes loups qui vous entourent et il faut absolument être le meilleur de ceux-là. Mais j'avoue que maintenant, je fais toujours partie des jeunes loups qui cherchent à percer, mais je ne prends plus aucun risque. D'ailleurs, ce que me dit mon manager, Ken Tyrrell, si tu es mort, tu ne pourras plus être un héros. La carrière de Sauvert en F1 est digne d'un roman accéléré. Fils d'un petit joaillier parisien et d'une famille de la classe moyenne qui habite la banlieue ouest de Paris, et pour qui le sport automobile n'est rien d'autre qu'une perte de temps et surtout d'argent, rien ne prédestinait François à enfiler un jour la combinaison de pilote. Sa chance, le jeune homme va la construire lui-même, par le travail et surtout par une immense détermination. Jeune, François Sauvert découvre la mécanique grâce aux copains, la vitesse aussi, et il se prend de passion pour la moto. Pour échapper à l'enfer du métro, il se fait offrir par ses parents un deux roues de modeste cylindre. Mais il le répare, le modifie et l'engin devient vite un bolide. Très vite, à son guidon, François ressent les sensations intenses que procure le pilotage. Mais la course est un sport qui coûte cher. Or, ses parents ne croient pas à cet avenir hypothétique sur les circuits, que ce soit sur deux ou quatre roues. Non, son père rêve son fils pianiste. François apprendra donc le piano. Son père veut qu'il lui succède à la boutique. François apprendra donc la vente, en particulier le porte-à-porte. Et c'est justement en allant frapper chez des gens qu'il réunit l'argent nécessaire pour s'inscrire au volant Shell, une école de pilotage de course qui forme les jeunes talents. Et il en sort victorieux et il obtient un volant pour une saison de Formule 3. Mais sa première année de course en 1967 est désastreuse. Tellement catastrophique qu'elle aurait pu mettre un terme à une carrière qui ne faisait que commencer. Mais là est la vraie force du Français, la persévérance. L'année suivante, il remporte le championnat de Formule 3. Puis en 69, à Reims, en Formule 2, dans le dernier virage, il surprend Jackie Stewart et file vers la victoire. En 1970, Sauvert est déjà en sport prototype chez Matra et dispute une partie de la saison de F1 chez Tyrrell. Sur la grille de départ des Grands Prix, il côtoie alors son beau-frère, oui, son beau-frère, Jean-Pierre Beltoise, car le pilote français est marié à Jacqueline, sa sœur, et il n'est pas rare de les croiser tous les trois avant ou après la course. En l'espace de 3 ans, Sauvert, qui n'était qu'un inconnu, devient pilote de Formule 1. Avec son visage d'ange, sa veste en jean de rocker, ses lunettes de soleil d'acteur, Sauvert s'affiche désormais en une des magazines. Parmi ses amis, le skieur Jean-Claude Killy. Parmi ses fréquentations, la chanteuse Dalida. Mais c'est aussi une belle gueule, ce verre, qui ravit les cœurs des plus belles femmes de son époque, des artistes, des mannequins, des actrices, comme ici Brigitte Bardot. Mais oui, avec qui il a fait sa relation en public lors de l'ouverture du salon de la voiture de course à Paris. Brigitte, je ne savais pas que vous vous intéressiez à la course automobile. Moi non plus. Non plus ? Non plus. Qu'est-ce que vous préférez, les voitures ou les pilotes ? Je crois que pour le moment, je préfère les pilotes. Merci. Faut deviner. Oui. Devinette. Oui. Je parie que j'ai deviné. Alors, dites. François. Oui. Ce verre. Oui. Je crois plutôt content que coupable. Hein, c'est un très beau métier pour un homme. Elle est derrière. Hein. Oui, elle bien. Hein, beaucoup de courage. Brigitte Bardot, rendez-vous compte. À chaque fois qu'il prend le volant de sa monoplace, François Sauvaire quitte ses habits de star glamour que s'arrachent les médias. Et là, ça devient sérieux, il endosse la combinaison de pilote. Concentré sur chaque trajectoire, chaque virage. Car il le sait, de sa compétence à les enchaîner à une vitesse folle dépend sa réussite sportive et sa vie. Ce qui n'empêche pas de faire parfois des erreurs, et c'est bien normal. 15 jours avant le rendez-vous de Watkins Glen, lors du Grand Prix du Canada, Sauvaire provoque une violente collision avec la McLaren de Jody Scheckter. Bilan miraculeux, au dire des médecins, juste 2 chevilles foulées pour le Français, alors que le châssis de sa voiture est complètement détruit. Il prend donc place au volant d'une voiture totalement refaite à neuf. Avant même la course, le pilote numéro 1, Stewart, est déjà sacré champion du monde. Sauvaire, lui, est 3e au classement. Il talonne le Brésilien Fittipaldi sur Lotus. Une victoire ici aux États-Unis lui assurerait la place de dauphin autant qu'elle lui permettrait de justifier l'augmentation de salaire qu'il a demandé pour son nouveau contrat l'an prochain chez Tyrrell. Circuit de Watkins Glen, l'horloge du circuit affiche désormais 11h45. Après une vingtaine de tours de chauffe, François Sauvaire rentre au stand. Un arrêt rapide, il relève juste la visière de son casque et échange quelques mots avec Ken Tyrrell. Il lui reste 6 minutes avant la fin des qualifications pour améliorer son temps et arracher la pole. 4 tours plus tard, Sauvaire frappe fort avec un temps de 1 minute 40 et 7 centièmes. Les yeux rivés sur le dernier virage, Ken Tyrrell attend le passage de Sauvaire pour son 5e tour. Bien. Mais les minutes passent, la motoplace bleue numéro 06 du pilote français n'apparaît pas. À l'époque, il n'existe pas encore de radio entre les pilotes et leur stand. Impossible donc de savoir où est François. Aurait-il pu crever ? A-t-il été ralenti par le trafic ou par un pilote en difficulté ? C'est alors qu'un épais silence envahit la piste, puis inonde les stands. Du haut de son balcon dirigeable, à l'aide de jumelles, ballon dirigeable, à l'aide de jumelles, l'un des commissaires de course crie qu'un accident vient de se produire et qu'il s'agirait d'une voiture bleue avec autour de la fumée et des flammes. L'endroit où vient de se jouer la catastrophe, c'est le S, un double virage droite-gauche, très rapide, où les pilotes donnent l'impression de slalomer entre les rails métalliques à plus de 240 km/h. Les minutes passent et la monoplace Tyrrell du pilote français François Sauvaire manque toujours à l'appel. Dans le paddock, les mines se font graves. Jo Ramirez, le mécanicien de Sauvaire, est assis, les mains sur la tête, près de la porte du garage. Ken Tyrrell regarde le ciel, ferme les yeux, comme s'il savait déjà. I can't let you decided to show me the same. No sweeping exits. France Inter, affaires sensibles. C'est au moment où il s'apprêtait à négocier une série de virages au volant de sa Tyrrell Ford que François Sever a trouvé la mort. L'accident s'est produit cet après-midi lors des essais du Grand Prix des États-Unis sur le circuit de Watling Glen, Dominique Bresseau. François Sever allait boucler son dernier tour lorsque tout à coup dans un virage, le bolide a quitté la piste. La Tyrrell Ford heurtait le rail de sécurité, puis se soulevait avant de retomber sur la glissière. Sous l'effet du choc, la voiture se coupait en deux, écrasant le malheureux pilote tué sur le coup. Il ne restait plus rien du bolide dont les débris étaient éparpillés sur une centaine de mètres environ. Samedi 6 octobre 1973, circuit de Watling Glen, 11h55. Jody Scheckter est le premier pilote à arriver sur les lieux de l'accident. Lorsque le Sud-Africain aperçoit la carcasse déchiquetée de la Tyrrell, retournée, écrasée sur le rail, il stoppe sa McLaren et bondit hors de son baquet pour aller se jeter dans les flammes. Mais à 2 mètres de cet amas de tôles broyées, il est arrêté net par la chaleur du brasier et par la fumée ocre, mélange d'essence, d'huile et de caoutchouc. De là où il est, Scheckter peut apercevoir le corps sanglant du pilote, en partie masqué par la partie arrière de la voiture. Deux commissaires de piste, extincteurs entre les mains, se précipitent. Ils hurlent à Scheckter de reculer, car disent-ils, c'est déjà foutu pour le pilote. En l'espace d'une minute, les autres monoplaces, toujours en piste, arrivent à leur tour sur les lieux du drame. Elles passent une à une au ralenti. Derrière la visière des casques, c'est l'effroi et la sidération. Parmi les voitures qui s'arrêtent, il y a la BRM du pilote français Jean-Pierre Beltoise, le beau-frère de François Sever. Lorsqu'il voit le lieu du crash et qu'il aperçoit Scheckter faire de grands signes des bras, il se dit merde. Jody est encore accroché avec un gars. Mais lorsqu'il voit le bleu de la voiture en flammes sur le rail, il réalise que c'est une Tyrrell. Alors Beltoise se gare 40 mètres plus loin. Il court, il croise Stewart, lui aussi descendu de voiture. L'Écossais a le regard vide, cache ses larmes. Mais il est là. La voiture accidentée est donc bien celle de l'autre pilote Tyrrell, car ils ne sont que deux. C'est donc François Sever. Quand François s'est tué, j'étais déjà parfaitement conscient que n'importe qui de très cher ou moi-même pouvait se tuer dans une course. Et je courais déjà avec réellement la sensation que la mort était omniprésente. Donc, ma réaction, à ce moment-là, au lieu d'être une réaction dramatique, est une réaction presque naturelle, en me disant, ça devait arriver, c'est arrivé, ça pouvait être lui, ça pouvait être un autre. Je ne savais pas tout de suite ce qui s'était passé, mais Jody Scheckter, qui s'était arrêté juste avant moi, m'a dit, non, ne va pas voir, faut pas venir, ça va pas, il m'a pas dit qu'il était mort tout de suite. Dans les stands, c'est l'affolement. Chaque équipe envoie un émissaire auprès du commissaire de piste principal. Grâce à un petit poste de radio branché devant lui, un micro et un casque, le commissaire est le seul à savoir en temps réel ce qui se passe de l'autre côté du circuit. « Comment est le pilote ? Est-il blessé ?» hurle un mécanicien de l'équipe Surtles, dont les voitures sont bleues, comme les Tyrrell. Pour seule réponse, le commissaire lance ces quelques mots glaçants. « Je sais juste que la voiture est retournée. Le gars est en dessous. » On ne peut pas le sortir à cause des flammes. Quelques instants plus tard, il entend sur sa radio « C'est la voiture 6, une Tyrrell, c'est celle de François Sever. » Dans pareil cas, chacun veut croire que malgré ses blessures, le pilote accidenté est encore en vie. Lorsque Jackie Stewart conduit sa voiture au stand, Ken Tyrrell a toujours l'espoir d'un miracle. Alors, ce dernier se précipite sur la F1 de Stewart, le pilote écossais, triple champion du monde, pilote expérimenté. Il est bouleversé. « C'est mauvais, lui dit-il. Très mauvais, Ken. » Un des pompiers a déposé un drap blanc à côté de l'épave pour recouvrir quelque chose. Dans les minutes qui suivent, un commissaire de piste fait signe à Ken Tyrrell. Les deux hommes échangent quelques mots à l'écart. Tyrrell revient à son stand, livide. Il prend à part le journaliste français Gérard Rombach et lui explique. « Il n'y a plus rien à faire. François est mort. Nous le savons désormais. » Mais nous ne pouvons pas l'annoncer. Seul le médecin légiste peut officiellement le dire. 15 minutes plus tard, assis à l'arrière de la caravane à sponsor, Ken Tirel, Jean-Pierre Beltoise, accompagné du journaliste Gérard Combach, tentent d'appeler Paris pour prévenir la famille de François. Jean-Pierre veut parler à sa femme Jacqueline, sœur de François Sauvert, mais personne ne décroche. La suite, c'est elle, Jacqueline Sauvert-Beltoise, qui la raconte sur France Inter. Jean-Pierre n'a pas eu le temps de nous appeler. Ça s'est passé de la façon suivante. J'étais partie me promener avec ma mère au bois de Boulogne et on est revenu prendre le thé à la maison vers les 5 heures. Et là, mon jeune frère Charles avait une tête vraiment effondrée. Et d'un seul coup, il a dit à ma mère, Charles, François est mort. Là. Et mon père l'a appris d'une façon encore pire. Où une de ses clientes arrive au magasin, il lui dit, vous savez la nouvelle, c'est la guerre. C'était la guerre avec Israël. Mon père fonce sur la radio, met sa radio et entend juste la fin de l'interview en direct d'Amérique en disant, il est mort dans son transport à l'hôpital. Et ça a été un traumatisme pour nous tous. De l'accident de la monoplace de François Sauvert, il n'y a aucune image, aucun son non plus. Seule la carrosserie déchiquetée, à moitié calcinée de la voiture, bâchée à la hâte et ramenée plus tard dans les stands par une dépanneuse, témoigne de la violence de l'impact. Plus tard, les quelques photos prises dans les minutes qui ont suivi le crash illustreront ce drame pour l'éternité. Alors, que s'est-il passé ? Erreur de pilotage ? Incident technique ? Ce que les témoins de la scène, quelques spectateurs et un photographe affirmeront plus tard aux enquêteurs, c'est que François Sauvert est entré large dans la courbe dite du S. S'agit-il d'une erreur de placement, d'un problème de frein ou encore d'une stratégie pour aller encore plus vite? Ce qui est certain, c'est que lancée à plus de 240 km/h sur une telle trajectoire, la voiture de Sauvert était à la limite de la rupture d'adhérence. En appui sur son flanc droit pour virer à gauche, en rupture de pente défavorable, soumise à une force centrifuge élevée, elle risquait de décrocher et de partir s'encastrer dans le rail. Au micro de France Inter, le pilote Jean-Pierre Jarier, qui participe lui aussi à la course, livre son hypothèse. Il y a deux explications possibles. Soit que, comme la piste était glissante, il est dérapé dans l'entrée du virage à gauche et il n'est pas pu redresser sa voiture convenablement et puis ensuite percuter les deux rails successivement. Ou la deuxième explication, qui me paraît la plus probable, c'est qu'il a eu un ennui mécanique. Il a cassé un porte-moyeu ou une barre de poussée et il a perdu le contrôle de la voiture. On sait tous qu'on fait un métier relativement dangereux. Quand ça arrive, c'est atroce, mais enfin... Toujours d'après les témoins, ce serait lorsque la monoplace de François Sauvert a heurté le petit rebord de trottoir le long de la piste, qu'elle se serait envolée, qu'elle aurait frôlé le rail de sécurité, puis qu'elle aurait traversé la piste avant de s'encastrer contre la barrière métallique de l'autre côté. D'après les constatations du médecin, le pilote Tirel est mort sur le coup. Le lendemain, dimanche 7 octobre, c'est le jour de la course. Sur la ligne des stands, le rideau métallique du box des Tirel Ford reste baissé. D'un commun accord avec Ken Tirel et sa femme Hélène, le triple champion du monde, Jackie Stewart, refuse de participer à l'épreuve en signe de deuil. Lui qui devait aujourd'hui marquer l'histoire et atteindre le record de 100 départs en course, arrête donc sa carrière, stop et net. De concert avec son écurie et avec sa femme, Jean-Pierre Beltoise, lui, a décidé de participer. C'est ce que François aurait voulu, explique-t-il ému aux journalistes présents autour de sa monoplace. En Angleterre et aux États-Unis, la nouvelle de la mort du pilote français fait la première page des journaux, mais elle disparaît très vite face aux événements qui bousculent le Proche-Orient, la guerre du Kippour. Dans les revues spécialisées, le nom de Sauvert apparaît affublé par le numéro 23, le pilote français. Et François est en effet le 23e pilote à perdre la vie en Formule 1 depuis 1952, date de la création du championnat actuel de F1. À l'issue de la course, le Suédois Ronnie Peterson l'emporte et finit deuxième au classement général de la saison, juste derrière Stewart. Jean-Pierre Beltoise, lui, se hisse à la 9e place de la course. Lors de la remise des trophées, vu les circonstances, peu de joie sur les visages. La foule qui s'est rassemblée en nombre, assiste sans engouement à cette fin de course. Comme tous les aigles foudroyés, jeune de surcroît, Sever est une figure mythique dans le monde de la Formule 1. Et à l'époque en France, sa mort a créé une vraie émotion. De force et de tendresse vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu avec les soirées d'ombre. L'histoire qu'on connaît, ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'en lasse. C'est nous, l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de. France Inter, Affaires sensibles. Aujourd'hui, la mort de François Sever. Notre invité, Jean-Louis Moncey, bonjour. Bonjour. Un nom, un visage et surtout une voix que vous avez forcément déjà lu, vu ou entendu si vous suivez la Formule 1. Alors pendant 40 ans, effectivement, vous avez sillonné les circuits et ses paddocks pour essayer de nous faire vivre au plus près toute l'intensité de ce sport. Vous êtes l'auteur d'ouvrages de référence sur la Formule 1 et le sport automobile. Et votre dernier livre est une autobiographie qui nous plonge dans les coulisses de 40 ans de Formule 1. Ça s'appelle « La Formule 1, ma famille ». Et ça vient de paraître aux éditions City. Alors, on a beaucoup parlé de mort, de peur, de risque dans ce récit. Il faudra quand même rappeler que la course automobile n'est pas un truc irresponsable qui envoie les gens à la mort comme ça. L'immense majorité des pilotes, heureusement, quittent ce métier vivant, je voulais le dire quand même. Mais à l'écoute de ce récit, quel souvenir, sentiment ou émotion vous vient à l'esprit? Alors vous voulez parler de François, vous venez d'en parler, oui. De très belle façon d'ailleurs, de façon émouvante également. Il a été, pour moi qui était débutant à cette époque-là, je venais d'arriver à la revue Sport Auto, vous avez parlé de Gérard Combat, que c'est lui qui m'a engagé. François, c'était pas une idole, c'était quasiment une icône hein, pour nous, parce que non seulement il allait vite, bon, ce qui est quand même ce qu'il faut, et puis il y avait ce charisme. Et puis, vous avez également souligné quelque chose de très important qui est rare de nos jours, c'est qu'il jouait du piano, ouais. Beethoven. Ouais. Alors, vous vous rendez compte, très beau garçon, charismatique, jouant du piano et accessoirement pilote de Formule 1, vous voyez l'image qu'il pouvait renvoyer. J'ajoute un garçon intelligent. on l'entend parler avec Chancel, ça tient la route, hein, sans mauvais jeu de mots. Oui, oui, non, bien évidemment que ça tient la route. C'était quelqu'un d'assez remarquable, visionnaire même, et le drame a été d'autant plus fort qu'on le voyait sur ce nuage qui partait pour une carrière formidable. Alors, j'allais vous demander, apparemment, ils sont presque tous d'accord pour dire qu'il aurait été probablement champion du monde. Qu'en pensez-vous ? Personne ne peut le dire, par rapport à ses qualités. Mais par rapport à ses qualités, moi je préfère écouter Jackie Stewart, que j'écoute encore maintenant, parce qu'au moins Jackie, en dehors des sentiments, savait vous dire la réalité des choses, et pour Jackie, il était très très très fort. Et je reviens sur l'accident que vous avez très bien détaillé, les fameux S de Watkins Glen. Il faut dire que en course automobile, c'est dans ce genre d'endroit qu'on fait la différence au chrono. Parce que le reste, c'est courbe normale, freinage ou accélération à ligne droite. Et tout le monde sait le faire, quoi. Et ça, mais vous et moi, on peut le faire. Voilà, exactement. Vous peut-être, moi je sais pas. Non. Mais les S de Watkins Glen, du Glen, comme on disait, ça c'était quelque chose de terrible. Et là, François le savait bien, puisqu'il l'a abordé du maximum qu'il pouvait faire. Alors, est-ce que c'est une erreur technique? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est cette petite bordure qui a été touchée? En tout cas, il s'est envolé et il a rejoint le paradis des pilotes. Dans votre livre, vous revenez sur certains grands moments de votre carrière, et parmi ceux-là, il y a votre rencontre avec François Sauvaire. Racontez-nous. Oui, alors là, moi j'étais grouillot. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Je venais de... jeune journaliste, c'est oui, ça oui, mais j'étais surtout là pour aider Gérard Combat, qui parlait beaucoup en franglais. Oui, vous en prie. Oui. Oui, parce que c'est quelque chose de... comment je pourrais dire? Oui, visionnaire, oui, parce qu'on voit des choses absolument formidables. Mais je reviens sur mon... Oui, allez-y. Je reviens sur mon histoire. On a eu une interférence, ouais. En fait, avec la régie, voilà, tout simplement. Oui, c'est pas grave. Voilà. Oui, je reviens sur mon histoire. Donc, moi, je débutais, et finalement, le jour où François gagne le Grand Prix des États-Unis, il y a à peu près 6 mois que je suis à Sport Auto, et... Comme il devait beaucoup à Krombach, on était un petit monde à cette époque-là. C'est un petit monde. La Formule 1 n'était pas ce qu'elle était devenue maintenant. J'ai le coutume de dire vulgairement, on vivait en tas. Hein. Les hôtels, les avions, tout ça, c'était le même groupe qui voyageait. Et donc, bon, j'étais content que Krombach m'ait engagé, bien entendu. Et voilà, on dit à François, Krombach dit à François, tiens, on va faire une nouvelle rubrique dans Sport Auto. François Sauvaire répond au lecteur de Sport Auto. C'est sur moi que ça tombe. Jean-Louis, vous allez vous en occuper. Alors donc. Je triais le courrier. À l'époque, je vous rappelle, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les portables, les téléphones, il y avait du courrier. Il fallait trier dans le courrier l'intéressante, il fallait aller voir François, qui de temps en temps venait à Sport Auto, rue Brunel, dans le 17e arrondissement, ou me donner rendez-vous avec, la dernière fois, son assez jolie fiancée d'ailleurs, qui était Christina de Caraman, une princesse, on peut dire les choses comme elles sont. Et voilà, donc j'étais très fier de ça. Bon, réponds ça, et puis voilà. Je fréquentais François Sauvaire. Voilà, vous imaginez quand vous êtes jeune journaliste, voilà. Sympa, abordable. Alors oui, très très sympa. Il ne me noyait pas dans les termes techniques. Il voyait bien que j'étais débutant et devant lui un peu balbutiant quand même parce que c'était déjà l'icône. Et il a toujours été genre grand frère. Voilà, très sympa. J'imagine les auditeurs et auditrices jeunes qui n'ont pas connu Sauvaire, qui vont aller voir sa photo sur Wikipédia. Mais c'est qui celui-là? Pourquoi ils en parlent comme ça? Formidable. Alors parmi ceux qui ont connu et côtoyer François Sauvaire sur les circuits, il y a aussi le pilote Gérard Larousse. Au micro de France Inter, il livre quelques coulisses de sa relation avec lui. Bon, moi, je connais François depuis très longtemps, étant donné qu'il a fait ses débuts pratiquement en même temps que moi chez Alpine Renault. C'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. Il avait même fait ses débuts comme vendeur chez Alpine, et à l'époque où je débutais moi-même en rallye. Et lui avait suivi le chemin de la Formule 3 et moi le chemin des rallyes. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de lui? François était un élément très agréable dans l'équipe, dans la mesure où il était toujours très gai et toujours très optimiste. François Sauvaire avait dit un jour, je ne veux pas mourir dans mon lit, je ne connais qu'une fin, dans ma voiture, sur un circuit. Sans aucun doute, ça allait tellement bien avec son tempérament. Pour lui, c'était vraiment tout ou rien. C'était un gagneur. Il avait un moral fantastique. Je pense qu'il avait la chance, une chance pour un pilote, de ne jamais penser, si vous voulez, à l'accident. Certains pilotes y pensent, plus ou moins. Lui, je crois vraiment, il n'y pensait pas. Alors c'est une réaction le jour de la mort de Sauvaire, évidemment. Excellente interview, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, avec Gérard Larousse, on entre dans l'équipe Matra. Larousse, Pescarolo, plusieurs fois vainqueur aux 24 heures du Mans, comme vous le savez, avec les Matras. Et François était là dans cette équipe. Mais François, il était là pour, je dirais, faire partir le pétard. Il faisait des temps absolument canons avec la voiture. On comprenait bien que l'endurance, c'était pour lui, bien sûr qu'il voulait gagner, mais c'était quelque chose qui le martyrisait pas. Tandis que Gérard Larousse et Henri Pescarolo, les deux, eux, ils devaient faire attention à l'endurance et il fallait tenir 1000 km, 6 heures ou 24 heures. Ils savaient ça. François, ça le dérangeait pas. Donc, il faisait aux essais des temps absolument canons. Et alors, ça avait le don à la fois d'énerver l'équipe et à la fois de l'entraîner vers le haut. Bien sûr. Et quelles étaient ces qualités techniques? Pourquoi il était un si bon pilote? Alors, les qualités techniques, vous avez cité très justement le documentaire de Polanski sur ce week-end à Monaco. Et à un moment donné, on voit une scène absolument formidable qui est Jackie Stewart répondant à François, qui lui demande un tuyau. Comment et où tu freines dans la descente vers Mirabeau? Et là, il y a un garçon qui s'appelle Helmut. Et Jackie dit à Helmut, tu es gentil, tu nous laisses parler tranquillement tous les deux. Ça, c'est Helmut Marko, qui est le numéro 2 de l'équipe Red Bull aujourd'hui. D'accord. C'est lui. Okay. Et Jackie voulait pas que Helmut prenne les tuyaux qu'il allait donner à François. Et finalement, il dit, bon, tu dois freiner là, quand t'as tant d'essence, sinon tu freines là, quand t'as tant d'essence, etc. Le grand frère. Voilà, c'était ça. Et je pense que le talent de François a rejailli sur Jackie, qui lui avait à peu près tout appris sur la Formule 1 au plus haut niveau, et c'est pour ça que Jackie pensait qu'il allait succéder, évidemment. Bien sûr. Et avec le patron, ça se passait bien aussi, avec Ken Tyrrell. Oui, alors Ken Tyrrell, c'est un... Relation un peu père-fils, non? Oui, exactement, j'allais vous dire. Ouais. Ken Tyrrell, c'est quand même le père de nombreux pilotes. En Formule 1, même jusqu'à maintenant, Jean Alési, qui a été l'un de ses derniers pilotes, qui a marché très fort et qui a marqué des points pour lui. Voilà. Nous, dans notre langage, on l'appelait Oncle Ken, parce qu'il venait nous voir de temps en temps, le petit groupe de Français qu'il aimait bien, Johnny Reeve, Krombach, etc. Et il nous posait des questions. Quelquefois, il nous enguirlandait aussi parce qu'on n'avait pas parlé assez bien ou d'un autre pilote qu'il connaissait ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'était Oncle Ken. Et il a été un père pour François, vraiment un père. Dites-moi, la mort et le risque chez les pilotes, alors c'est pas tabou parce qu'ils en parlent. Bon, ils en parlent quand il y a un accident, mais est-ce que c'est un sujet qui était souvent abordé ou alors on sent que ce sujet était là, présent, sans être forcément exprimé? Quel rapport il y a entre les pilotes et ce risque, et même vous, les journalistes, et le risque pour le pilote? Eh bien, je vais vous dire, je vais vous avouer la vérité. On n'en parle pas parce qu'on ne veut pas l'évoquer. Oui. Même encore maintenant, si je devais parler à Lewis Hamilton, ou bien à Kimi Räikkönen, ou bien il y a quelques années à Alain Prost, ou bien Ayrton Senna, jamais, jamais, vous m'entendez, je n'aurais abordé ce problème-là. Ni aucun de mes confrères anglais, italiens, hawaïens, tout ce que vous voulez. Non, personne. On n'aborde pas ce problème-là. Parce qu'on sent toujours qu'elle... Il l'a très bien dit, François, dans votre papier, vous le dites très bien, elle est toujours là présente. Ouais, toujours là. Et donc, on sait bien qu'elle est là. Et lui, François, il n'avait pas peur d'en parler. Moi, jamais, j'aurais abordé ce problème-là avec lui. Je ne sais plus quel témoin, quel pilote disait, on fait dans le récit un sport relativement dangereux. J'ai beaucoup aimé le relativement dangereux. Oui. C'est complètement dangereux, quoi. Oui, hein? C'est vrai. Surtout à l'époque, vous avez très bien souligné le fait que les voitures n'aidaient pas les voitures qui les Formule 1 d'aujourd'hui. Attention, aujourd'hui, elles sont bien plus costauds que ça. On en parle justement de ce qui a été fait pour la sécurité, peut-être, des voitures d'aujourd'hui par rapport à celles d'hier, après avoir écouté Bruce Springsteen, Do I Love You. Nothing left. Jean-Louis Moncey, quand on feuillette ce beau livre que j'ai entre les mains, que vous avez écrit, alors c'est pas la, non, c'est bon, c'est Johnny Rive et Jacqueline Beltoise, la ouais. sœur, la sœur. Oui, de oui. pardon. Je voulais apporter parce que je me suis dit peut-être qu'il vaudra relire quelques. Il y a une préface de Jean-Claude Killy qui est magnifique. Il y a une préface de Jackie Stewart qui est magnifique aussi. Mmh. Il faut bien comprendre que quand on parle de François, forcément on parle de Jackie. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous m'avez questionné sur la mort qui traîne toujours. Ouais. Jackie Stewart vous dit que chez lui, sa maman à table, au déjeuner comme au dîner, interdisait qu'on parle, même pas de course, non, d'automobile, parce que son grand frère, Jimmy, s'était gravement blessé en faisant de la course automobile chez Jackie. Ouais. Donc Jackie disait, nous, on pouvait pas parler d'automobile à table, ma mère l'interdisait. Ouais, on la comprend. Et alors, j'ouvre ce livre parce que je vois des photos de Formule 1 d'aujourd'hui, les voitures, oui. et d'hier. Il y a quand même, alors déjà au niveau look, il y a beaucoup de différences, mais c'est pas l'essentiel. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Alors qu'est-ce qui a changé déjà? C'est qu'à force de mettre des tas de trucs nouveaux, notamment pour la sécurité sur les Formule 1, elles ont grandi. C'est-à-dire que la Formule 1 de François, son aileron avant arriverait à l'arrière d'une roue avant de Formule 1. Vous vous rendez compte, la pointe de l'aileron, elles ont gagné, les Formule 1 en ce moment, 1m50 quasiment de grandeur. Je vais dire 30 cm en largeur, mais tout ça, c'est la protection. François, lui, montait dans une monocoque. Une monocoque, c'était de l'acier, du composite, mais de ce qu'on faisait à l'époque. C'est un gros kayak avec un moteur. Oui, c'est ça. Et puis, hop, on attelait un moteur derrière, et et la boîte de vitesse, et c'était ça. Non, maintenant, c'est beaucoup plus élaboré. Vous regardez le volant. François, il avait un contour, un thermomètre pour l'eau et pour l'huile. Point final. Le contact, bien entendu, avec un voyant. Là, maintenant, il y a le volant, il y a tout dessus. Il y a les multiples possibilités qu'offre une Formule 1. On le voit quand on regarde les Grands Prix. Donc, c'était ça. Mais, sur la sécurité, on a fait d'énormes progrès. Les 20 dernières années, que je ne vous dis pas de bêtises, non, les 30 dernières années ont été vraiment, vraiment, vraiment, vraiment importantes pour la sécurité des pilotes. Après l'accident de Senna? Ça a été une étape. Juste avant l'accident de Senna, on a créé ce qu'on appelle la cellule de survie. C'est-à-dire que la coque devait résister. Voilà. Ouais. À des pressions, avec des robots qui tapaient dedans. Ensuite, avec la mort de Senna, on a imposer une crash box, alors c'était une cellule d'absorption de choc à l'avant, à l'arrière. On a renforcé les côtés. On a mis sur les canalisations d'essence, ce qu'on appelle des canalisations d'essence avion, c'est avec des clapets anti-retour. Si ça coupe, l'essence ne continue plus d'être distribuée. Donc ça, c'est pour l'incendie. Exactement, pour l'incendie. On a fait plein de choses. Les freins, tout ça, ça fait d'énormes progrès. Énormes progrès. Ça n'empêche pas qu'il y ait... Alors, j'allais dire, est-ce que l'accidentologie a bien baissé? Oui, complètement. Ah, c'est important. Quoi. Complètement, bien sûr, bien sûr. Mais comme vous l'avez rappelé très justement, en citant Stewart, un jour, Stewart dit ça. J'ai dit, je crois que j'ai 25 amis qui sont morts en course depuis que je fais de la Formule 1. Oui, c'est vrai. Non, maintenant, on peut plus, la Formule 1 l'a bien compris. On peut plus sacrifier les pilotes pour la victoire. Il y a quand même un aspect humain qui entre en ligne de compte. Il nous reste 4 minutes. On va consommer ces 4 minutes. Plaisir. Hein, on va parler de certaines figures que vous avez aimées dans la Formule 1 et dont vous parlez parce que votre livre est aussi une galerie de portraits. Et c'est très bien puisque vous avez rencontré. C'était ça au départ. Je vous le dis franchement. Ouais. Moi, je n'avais pas la prétention d'écrire mes mémoires ni même une autobiographie. Et je voulais faire un voyage à travers tous ces personnages formidables que j'avais connus. Voilà. Et l'éditeur m'a dit, non, tu dois raconter comment tu es arrivé là. Oui, mais vous racontez au moins la moitié du livre, ce sont des portraits. Oui, c'est ça. C'est au moins, oui, les deux tiers. Bon. Bah, dedans, il y a Jackie Stewart, d'ailleurs. Bien sûr. Alors on va y revenir. D'accord. D'abord, les circuits. Oui. Je vais vous faire une confidence. C'est un sport que je connais mal. C'est pour ça que je vous pose des questions comme ça, toutes simples. Dans les circuits, les différents circuits qui composent le circuit du championnat du monde, quels sont pour vous les plus intéressants, les plus fascinants? Alors d'abord, vous mentez un petit peu, parce que vous vous intéressez au sport motocycliste. Donc vous connaissez un peu les circuits. Oui, J'en ferme la parenthèse. Non, alors Suzuka, terrible, dangereux à la fois. D'ailleurs, il y a eu des problèmes ce week-end, une grue. À nouveau. Spa-Francorchamps. C'est en Belgique, ça? Oui, bien sûr. Je vais vous surprendre. Austin au Texas, très bien fait, même si c'est plat. Et puis quelques autres grands circuits comme Silverstone, où est née la Formule 1. Mais le Silverstone, où est née la Formule 1, c'est plus du tout le même. Je veux dire, tout ça a changé. Non, ça c'est des circuits vraiment formidables. Le plus dur reste quand même Suzuka au Japon. pour la simple et bonne raison que Monsieur Honda a demandé à un architecte de faire ce circuit pour essayer ses voitures, parce qu'il y a des voitures de série produites en grande série. Et je vois, je veux toutes les réactions possibles pour mes voitures. Je veux, faites-moi un circuit. Voilà, il l'a fait comme ça. Mais pour mettre des F1 dessus, c'est une autre histoire et c'est, ça reste encore dangereux. Jules Bianchi, par exemple. Et Monaco, parce que c'est impressionnant de voir ces voitures en ville. Alors Monaco. Ce qui est formidable, c'est naturellement le port, les bateaux, les yachts, et naturellement toutes les opérations de sponsoring. Vous savez bien que la Formule 1 vit sur un pied financier important. Bien sûr. Et tous les grands sponsors veulent faire des opérations à Monaco, parce que généralement il fait beau, tout le monde est content, la Méditerranée est là, on peut se baigner déjà quasiment, fermer, tout ça, ça aide, et ça, c'est un apport important pour Monaco. Alors, concernant les grandes figures, il ne reste que 2 minutes, on va pas se lancer dans beaucoup de portraits, mais dans tous les sports, il y a eu des grandes rivalités entre deux figures, je pense, Anquil Poulidor pour le cyclisme, Messi Ronaldo pour le foot, Federer Nadal pour le tennis. Est-ce que le plus grand duel de l'histoire de la F1, ça a été Prost Senna? Absolument, absolument. D'accord. Hein. Je vais vous citer un ami de François, qui court en même temps que lui, qui s'appelle Jackie X, qui a gagné de multiples fois le Mans et beaucoup de grands prix. Mmh. C'est un champion sans couronne, Jackie X, mais avec une parole vraiment. Et il me disait un jour, je l'interviewais, tu te rends pas compte, on vit une période formidable. Peut-être que jamais plus on en vivra une comme ça. C'était Senna et Prost. Ouais. Alors c'était poussé à l'extrême, c'était un peu de la folie, ils se détestaient et en même temps à la fin. Juste quand Alain a raccroché sa carrière, j'oserais dire, avec sa dernière victoire, son ultime victoire, c'est d'être encore en vie par rapport à Senna. Là, ils avaient fait la paix retrouvée, et c'était la plus belle conclusion qu'on pouvait trouver. Ah ben, ce sera votre conclusion, la conclusion de l'émission. Merci infiniment, Jean-Louis Moncey, dont je rappelle le titre de votre livre, La Formule 1, Ma famille. Ben, on sait pourquoi c'est votre famille maintenant. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, vie et mort de François Sauvaire, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.